Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bernard Collin qui vient nous parler de ses deux romans, Un arbre de mémoire et Isaline, tous deux publiés aux éditions Rebeline. Bonjour Bernard. Bonjour Mona. Alors pouvez-vous vous présenter, nous parler de vous ? Alors je suis venu à l'écriture relativement tardivement, à l'âge après 40 ans. Avant je m'exprimais par la photographie, j'ai fait quelques expositions de photographie. Et avec l'arrivée du numérique, la photographie avait perdu un peu de sa magie, comme j'aimais bien être dans le laboratoire, faire vivre les photos. Et je me suis tourné donc vers l'écriture, qui est un nouveau moyen d'expression. Et voilà, en fait, j'écris principalement pour m'exprimer. Et c'est pour cela que je fais essentiellement de la fiction ou de l'autofiction. D'accord. Alors pourquoi écrivez-vous ? C'est un besoin, un plaisir, les deux ? Alors c'est un besoin et c'est aussi une façon d'essayer de partager des idées. Et voilà, c'est partager des idées essentiellement. J'aime bien pouvoir échanger avec les lecteurs et aller sur des sujets qui vont au-delà de l'écriture de fiction, mais aller vers des petits retours ou sur le passé et des petites projections sur le futur et aussi des questionnements sur le social, le sociétal. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler d'un arbre de mémoire ? Alors, un arbre de mémoire, c'est une autofiction. C'est-à-dire que c'est une autobiographie où il y a à l'intérieur une part de fiction pour essayer de rendre l'autobiographie universelle, parce que parler de soi quand on n'est pas connu, c'est une autobiographie qui intéresserait évidemment personne. Par contre, si on essaye de lui donner une portée plus universelle, on peut toucher les gens. Et c'est pour ça que la fiction doit intervenir dans l'autobiographie, dans ce cas précis. J'ai une cousine Sherman qui a fait un arbre généalogique à la suite de son travail chez un notaire. Donc elle a décidé de faire l'arbre généalogique de sa famille, du côté de sa grand-mère maternelle, donc de notre grand-mère commune, ce qui faisait qu'elle me faisait le cadeau également de cet arbre généalogique. Et en remontant assez loin jusqu'à la Lorraine du XVIIe siècle, c'était avant la guerre de 30 ans, elle a fait une découverte sur les racines de la famille qui était inattendue. Et bon, ça c'était en 1989 et au fur et à mesure j'ai intégré ces nouvelles racines et ça m'a inspiré un retour sur ma vie, sur les actes, sur ce que j'avais fait, sur ce que j'avais pensé et j'en ai décidé d'en faire un roman d'autofiction. Alors à vous lire, vous avez eu une enfance heureuse, c'est le sentiment que vous en avez gardé ? Oui, et c'est pas tout le monde, les gens ont souvent une impression nostalgique mais d'enfance pas si heureuse que ça. L'enfance est rarement heureuse, mais la mienne était très heureuse avec des parents aimants, avec du confort matériel suffisant. Mes parents étaient d'origine modeste, mon père était facteur, ma mère travaillait à la maison, c'est-à-dire que je précise bien que quand une femme est à la maison, elle travaille. Yes. Et souvent les gens disent mon père travaillait, ma mère travaillait pas. Non, ma mère travaillait beaucoup à la maison, elle nous faisait les habits, elle faisait tout quoi. Donc, mes parents avaient un jardin ouvrier, ils travaillaient dedans. Et donc malgré finalement peu d'argent dans la maison, j'ai eu une enfance heureuse et même matériellement, mais surtout le plus important, j'ai reçu un amour inconditionnel de la part de mes deux parents. Et ça, ça aide beaucoup pour se construire. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et ça permet aussi de pouvoir aimer les autres plus facilement. C'est-à-dire que quand on n'a pas ce manque, quand nous, on a reçu l'amour, il est plus facile. Le problème n'existe pas, donc on n'a pas ce problème-là à régler avec le passé. Donc on peut plus facilement se tourner vers les autres. Mmh. Alors, tout au début du livre, vous faites dire à votre père: des hommes ont tué d'autres hommes parce qu'ils ne pensaient pas comme eux ou parce qu'ils ne croyaient pas à la même religion. Écoute-moi bien, gamin, il ne faut jamais accepter de laisser persécuter un être humain sous le prétexte qu'il est différent ou qu'il ne pense pas comme ceux qui détiennent le pouvoir. Une bien jolie maxime, mais n'est-ce pas utopique ? C'est certainement utopique, mais en fait, mon père, il avait des valeurs. Alors, il avait des valeurs républicaines, déjà, à l'époque, les vraies valeurs républicaines de l'époque. C'est-à-dire que mon père voulait me donner une éducation. Mais en même temps, c'était un patriote. C'est-à-dire que j'ai un souvenir, on avait un escalier qui montait vers les chambres. En haut, il y avait un poêle à charbon. Et on s'asseyait tous les deux en haut d'une marche et il m'apprenait la Marseillaise par cœur. Et ça peut paraître un peu désuet maintenant, mais c'était déjà, ça faisait partie de ses valeurs à lui, de d'aimer son pays sans rejeter les autres pays. Et surtout, comme on est lorrain, il y avait encore quand même ce traumatisme de la guerre et d'action des nazis. Et mon père voulait vraiment, dans mon éducation, m'apprendre des valeurs de tolérance pour que je puisse être à l'écoute des autres et voilà, donc de pas détenir la vérité et surtout éviter toute dictature. Il voulait pas que je m'engage dans des chemins périlleux, ce que j'ai fait quand même, parce qu'on est toujours en opposition à ses parents quand on est jeune. Alors nous allons faire une première pause musicale. Alors vous avez choisi d'écouter Ouverture d'Étienne Dao. Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie. L'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. Alors nous sommes toujours avec Bernard Collin. Alors vous abordez de façon très amusante le catholicisme et son enseignement. Racontez-nous l'expérience de votre père, la position de votre mère et vos propres mésaventures. Voilà, donc c'était amusant parce que j'avais un père qui a reçu, il était nancéen, pur nancéen, il avait reçu une éducation catholique, je dirais extrême, par des parents qui étaient très très croyants et qui étaient même un peu, on peut dire, bigots. Et quand il était enfant, il me racontait, il avait comme jouet, il avait un encensoir en laiton, il avait un bénitier, et c'était ses jouets. Et donc, lui, voyant pas trop l'utilité de ses jouets, il s'amusait à bénir les mirabelliers qui étaient dans les jardins de la maison familiale. Et il était obligé d'avoir très tôt être enfant de cœur. Il était très tôt enfant de cœur et il a vu que le curé était quelqu'un de désagréable, alors qu'on lui avait présenté tous les curés comme des saints hommes. Et donc petit à petit, il a développé une aversion contre la religion catholique et contre toutes les autres religions, et il était devenu profondément athée, hein, même pas agnostique. Il me disait, bah voilà, c'est simple, Dieu n'existe pas, les croyants sont des naïfs, et les religieux sont des escrocs. Quand on est mort, il n'y a rien derrière, et donc c'est pas la peine de chercher. Donc, faut se contenter de vivre le plus heureux possible sur la terre, il n'y a rien. Donc ça, c'était sa position. Et quand on est enfant, il me le disait très calmement. Et moi, j'étais quand même en questionnement, surtout que j'allais, moi, au catéchisme. Donc, et ma mère, ma mère enseignait le catéchisme à des enfants, mais elle avait une vision bien particulière de la religion. Elle pensait que Jésus était un homme, seulement un homme, qu'en aucun cas il était le Fils de Dieu, mais que c'était un homme admirable qui donnait un enseignement qu'il fallait suivre, parce que c'était l'enseignement d'aimer les êtres humains, et que donc la religion devait laisser libre. Donc ma mère acceptait bien les autres croyances ou les gens non croyants, ce qui était mieux parce qu'avec mon père qui ne croyait pas. Et donc on était obligé de rien. Enfin, fallait aller à la messe, mais généralement quand j'allais à la messe, je traînais en route, je discutais avec les gens. Finalement, j'oubliais d'y aller et je dépensais l'argent de la quête dans des bonbons, comme beaucoup d'enfants. Et donc je suis quand même allé jusqu'à la communion que je n'ai pas pu faire jusqu'au bout puisque j'ai refusé de prendre l'hostie, ça me collait dans la bouche, je me sentais pas bien du tout avec ça, donc je suis parti avant la fin de la cérémonie en provoquant un mini scandale familial, mais pas trop parce que mon père s'en moquait évidemment complètement. Et quant à ma mère, elle aimait tellement ses enfants, tellement son fils qu'elle était prête à tout me pardonner. Alors, parlez-nous de la curieuse aventure, expérience sur la mémoire qui a été menée aux États-Unis par le docteur Brian Diaz et ses collègues. Voilà, donc c'est une expérience extrêmement intéressante et ça avait été mené dans cette université pour des traitements sur des gens qui avaient des phobies psychiatriques. Et donc, ils ont eu l'idée de mettre des souris de laboratoire dans un espace confiné et d'introduire au hasard, donc l'odeur des cerisiers, et à chaque fois que l'odeur des cerisiers était introduite dans cette cage, les souris ressentaient une décharge électrique. On leur donnait une petite décharge électrique. Évidemment, ces souris, dès qu'on introduisait l'odeur des cerisiers, se cachaient dans le fond de la cage, effectivement, parce que c'était associé à cette douleur. Mais après, ils ont arrêté donc de faire ça. Complètement. Ils ont laissé les souris se reproduire. Ils ont eu donc des enfants souris, des petits, qui n'ont jamais reçu donc de charge électrique, ni même d'odeur des cerisiers. Donc ils connaissaient ni l'odeur des cerisiers, ni la décharge électrique. Après, donc, ils les ont laissés également se reproduire. Mmh. Et donc, sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'il y a eu. Et après, sur des souris qui n'avaient jamais connu ni décharge électrique, ni odeur de cerisier, ils ont réintroduit un jour l'odeur des cerisiers et ils se sont rendus compte que les souris se sont réfugiées dans le fond de la cage. Alors ils se sont posé la question d'une mémoire génétique, et donc ils ont analysé le sperme de souris, ce qui doit quand même pas être facile, faut en convenir, ça n'a pas des quantités énormes. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une modification génétique sur la partie de la transmission qui concernait la mémoire. Et c'était très intéressant parce que cette expérience, c'était pour pouvoir soigner des gens, par exemple, qui avaient des peurs immodérées du feu. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu des ancêtres qui avaient passé de vie à la mort brûlés. Et donc, moi, je suis aquaphobe, c'est-à-dire que j'ai eu une peur maladive de l'eau qui vient de plein de choses. Mais j'ai eu deux grands-pères qui sont morts noyés et assassinés tous les deux, donc jetés dans l'eau. Moi-même, quand j'étais petit, ma mère était éclusière et je suis né dans une écluse, enfin dans le bâtiment de l'écluse. Et donc on me racontait l'histoire d'un petit lutin maléfique qui s'appelait le Rouge Bonnet, qui entraînait les enfants passage se noyer au fond de l'eau avec un crochet. Et donc j'avais cette aquaphobie qui venait de l'enseignement de l'enfance. Mais je pense qu'il y a aussi une part de mémoire génétique et je me suis rendu compte plus loin, c'est la suite du livre, que cette mémoire génétique pouvait peut-être aller plus loin. Ouais. C'est fascinant et en même temps, ça fait un peu peur. Hein. Oui, ça fait un peu peur, mais je pense que ça peut pas forcément fonctionner avec la même intensité chez tout le monde. D'accord. Il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles à leur passé ou la mémoire la transmission génétique se passe peut-être plus fortement chez des êtres que chez d'autres êtres. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peu tournés vers le passé, alors que moi, je me suis toujours intéressé au passé. Donc, ça renforce peut-être cette mémoire. Alors, à la fin de l'arbre de mémoire, vous faites une découverte stupéfiante dans une vieille maison en ruine qui, de tout temps, a appartenu à votre famille. C'est vraiment arrivé ? Ça semble presque trop beau pour... Alors, disons que ça, c'est une partie de fiction. C'est-à-dire que donc la maison existe vraiment, j'ai découvert des choses, mais en fait, il faut laisser donc au lecteur la part du rêve et la part de la fiction. Et j'ai mêlé dans ce livre de la fiction avec des faits réels pour en faire un roman, justement. Parce que des fois, la réalité, elle est intéressante, mais si on l'embellit, on crée vraiment un roman. Et donc cette partie, je vais déjà parler de ce qui est vrai, c'est que quand l'arbre généalogique a été fait, on a retrouvé donc un ancêtre assez lointain qui avait une date de baptême et une date de mariage, une date de décès, mais la date de baptême était rapprochée de la date de mariage qui se faisait pas parce qu'on baptisait à l'époque les enfants très très tôt. Donc je me suis penché sur l'origine de la famille par rapport à ça et j'ai interrogé ma mère et ma mère m'a dit on était une famille riche, on avait un bois, parce que le nom de jeune fille de ma mère c'est Convard, on avait le bois des Convard et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on était riche. Et bizarrement dans l'arbre généalogique on avait des gens modestes, des laboureurs, enfin des gens tout à fait normaux, on n'avait pas de gros propriétaires terriens. Donc je me suis penché sur ce bois des Convards qui est à Bouzainville, donc dans le Saintois, près de Favières et près de Courcelles, qui sont le berceau de la famille. Et en fait, ce bois-là était le bois des Convards, mais parce que c'était le bois des converts ou le bois des convertis. Et on s'est rendu compte que les gens, ils arrivaient dans ce bois avec une religion et ils ressortaient de ce bois avec une autre religion où ils ressortaient pas du bois. En fait, c'était simple. Les persécutions étaient courantes à l'époque. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens d'origine juive qui avaient fui la France pour se réfugier en Lorraine, qui était à l'époque pas rattachée à la France, donc qui était, et qui n'avait pas les mêmes lois. C'est-à-dire que Richelieu et Louis XIII avaient fait, donc, une loi d'expropriation des juifs, et ils devaient être chassés du territoire, donc ils étaient persécutés. Donc, ceux qui étaient situés, donc, du côté de l'Est, se sont réfugiés vers la frontière la plus proche, qui était la Lorraine. Et dans la Lorraine, ils ont cru pouvoir trouver un havre de paix. Malheureusement, la guerre de 30 ans est arrivée, et beaucoup de juifs sentant que la Lorraine allait perdre par rapport à la France, et qu'ils allaient retomber sur ces mêmes lois, beaucoup ont préféré se convertir pour pouvoir perpétuer leur famille. Et donc ma plus vieille ancêtre, en fait, Anna, était donc enceinte, et donc avec son mari, ils ont décidé de se convertir à leur religion catholique, et je pense qu'ils ont dû transmettre une bribe de la mémoire familiale, par bribe, par petit bout, puisque pourquoi ma mère me disait que Jésus était qu'un homme. Donc je pense que la seule survivance de la religion, ça devait être que ça, parce que personne dans la famille n'avait conscience avant cet arbre généalogique des origines. Oui. Et ce qui était intéressant, c'était de savoir comment ces origines seraient reçues par les autres membres de la famille, parce que moi je les ai accueillis avec bonheur, voilà, avec humour, bonheur, enfin, joie. Et également mes cousines germaines, nombreuses, on accueillit ça avec vraiment comme si c'était une évidence. Donc là, on peut reparler de mémoire génétique parce que c'était presque évident. Et la cousine, ma cousine Thérèse, qui est à l'origine donc de cet arbre généalogique, m'a dit qu'un jour, son père, sans qu'elle sache pourquoi et sans lui expliquer davantage les choses, lui a dit « Tu vois, Thérèse, il faut que je te dise une chose. Je me sens juif. » Donc, on était tous catholiques, baptisés. Elle lui dit, papa, tu te sens juif, mais pourquoi? Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens juif. Et donc, cette personne est décédée, on ne saura jamais pourquoi il lui a dit ça. Peut-être avait-il trouvé aussi quelque chose de son côté, ou peut-être simplement c'était un ressenti, et on ne saura jamais. Mmh. Alors, donc, vous avez donc découvert vos racines juives. Le judaïsme est aussi le thème central du second roman dont nous allons parler maintenant, Isaline. Pouvez-vous nous parler un peu d'Isaline? Alors, Isaline, au départ, c'est une histoire d'amour. Je voulais absolument conter le tout début d'une histoire d'amour, parce que le tout début d'une histoire d'amour, c'est magnifique. Et j'aime bien décrire cette naissance du sentiment amoureux avec deux personnes extrêmement différentes. Donc j'ai choisi pour le personnage masculin, Damien, c'est quelqu'un qui a été abandonné à la naissance. Donc il est plus qu'orphelin de père et mère parce qu'il connaît pas ses parents. Mmh. Et donc il a une difficulté à communiquer avec les autres, une difficulté à aimer, et il est très seul. Et un jour, au hasard d'une mutation professionnelle, il se retrouve muté à Nancy, et là il connaît personne, mais ça lui va très bien parce qu'à Paris il connaissait personne non plus. Et au hasard d'une manifestation, il rencontre Isaline, qui est elle d'origine juive mais qui a des parents qui sont complètement laïque, qui pratique aucune religion. Et donc, il rencontre Isaline, il tombe amoureux fou d'elle, il est foudroyé, c'est un vrai coup de foudre. Et Isaline, qui est une douce jeune fille, n'est pas insensible au charme de Damien. Et donc, ils ont tous les deux un problème d'identité. C'est-à-dire que elle sait qu'elle est d'origine juive, mais elle connaît rien de sa religion. Ses parents n'ont pas pratiqué la religion. Et lui, par contre, son problème d'identité, c'est qu'il sait pas d'où il vient. Et ces deux problèmes d'identité vont finalement se rejoindre par l'amour, en fait. Mmh. D'accord. Alors, le grand-père d'Isaline a été confié à la famille Martin, un jeune couple qui partait en zone libre pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que ses parents allaient être arrêtés par les nazis. Alors, vous dites à un moment, les Martins étaient humanistes, ils ne croyaient pas en un dieu, ils étaient résistants mais ne croyaient pas non plus au communisme ou au gaullisme. Ils pensaient que l'addition des comportements humains pouvait changer le monde. Alors cela pose de nombreuses questions. Sous prétexte d'humanisme, on fait la guerre aujourd'hui. Alors comment agir différemment ? Justement, alors là, je vais parler de moi, de mes opinions personnelles, on va sortir de la fiction. Alors, les Martins, c'est, ce que je fais dire aux Martins, c'est ce que je pense profondément. Moi, je suis un humaniste et je crois vraiment que l'addition de bons comportements humains est une façon, et peut-être certainement la seule façon, de sauver le monde. Parce que pour vivre ensemble, il faut que chacun puisse être meilleur. Et c'est vrai que l'époque est troublée avec la montée des fondamentalismes religieux, avec les guerres incessantes, la montée aussi des nationalismes. Mmh. Et donc c'est battu en brèche, évidemment. L'humanisme est battu en brèche par ces conflits. Et c'est une raison pour laquelle il faut renforcer la fraternité. Il faut qu'un jour les hommes se rendent compte qu'ils sont tous frères, même s'ils ont des origines différentes, même s'ils sont musulmans, s'ils sont juifs, il suffirait qu'ils fassent un arbre généalogique pour se rendre compte qu'ils sont frères. Parce que on va reparler du Moyen-Orient, parce qu'on en parle dans ce livre. Et en fait, il y a un paradoxe qui peut se passer en Israël. Je sais que je vais choquer beaucoup de monde avec ça, mais le paradoxe, c'est que au départ, cette terre-là, c'est la terre des Juifs depuis plus de 3000 ans. Mmh. Et après, les Romains ont converti à la religion chrétienne ceux qui sont restés sur place. Et après, quand ils ont été envahis par les musulmans, ces mêmes personnes ont été converties à la religion musulmane. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent palestiniens, qui se battent contre Israël, qui sont, sans le savoir, s'ils faisaient une recherche ADN, ils le trouveraient, qui sont des anciens juifs de l'époque, mmh, qui vont se battre contre des juifs pour défendre une religion et un territoire qu'ils considèrent à eux. Et ils vont se battre souvent contre des juifs israéliens qui sont venus, eux, d'Europe de l'Est et qui n'ont pas ces racines juives d'ADN, mais qui sont des convertis, qui ont été convertis à l'époque en Allemagne ou en Pologne. Et donc, finalement, on a cette situation paradoxale où il y a des gens qui sont juifs depuis relativement peu longtemps qui se battent contre des vrais juifs qui, eux, se battent contre des convertis, et en fait ils se battent alors que finalement ils devraient réfléchir au-delà des religions. Il faut toujours réfléchir au-delà des religions, alors qu'en fait ils sont simplement humains, qu'ils sont frères. Mmh. Voilà. Et donc je pense que tant que les organisations qui représentent les musulmans au Moyen-Orient ne reconnaîtra pas l'existence d'Israël, il pourra pas y avoir de paix possible, malheureusement, parce que moi je suis pour le vivre ensemble. Et c'est vrai que ce livre défend beaucoup l'État d'Israël, mais quand je défends l'État d'Israël, je défends pas un petit bout de territoire, je défends pas un pays, un État, non, je défends la civilisation, c'est-à-dire que je défends un pays où les femmes, elles peuvent être libres, elles peuvent être pilotes d'avion, elles peuvent être chefs d'entreprise, elles peuvent marcher dans la rue librement, et où les gens peuvent aller prier toutes les religions à Jérusalem, c'est-à-dire qu'à Jérusalem, si on est chrétien, on peut prendre un avion, on va sur les lieux saints de la chrétienté. Quand on est musulman, on peut aller sur cette mosquée qui est construite sur le mont du Temple. Et quand on est juif, on peut aller sur ce qui reste du mont du Temple, c'est-à-dire le mur occidental. Et c'est l'État d'Israël qui a été le garant de ce pluralisme religieux. Puisqu'avant, quand c'était occupé par la Jordanie, les non-musulmans avaient des difficultés énormes. Ils étaient persécutés, ils ne pouvaient pas prier sur les lieux. Donc je défends, en fait, ce que je défends, c'est la démocratie et la civilisation. C'est-à-dire que, mais ce qui n'empêche pas que j'ai conscience des difficultés des uns des autres, des souffrances. Et mon souhait le plus cher, ce serait justement une paix dans cette région, avec l'acceptation des uns et des autres, et surtout la civilisation, parce que j'accepte pas de, c'est peut-être mes valeurs occidentales, mais j'accepte pas de voir une femme brimée, une femme qui ne peut pas faire ce qu'elle veut en liberté. Voilà. Ah oui, bien sûr. C'est une opinion. Alors, le temps passe très, très vite. Je ne vais pas pouvoir vous poser toutes les questions que je voulais vous poser. Alors, on va déjà vous demander quelles sont votre actualité, vos projets. Alors, à part les nombreux salons du livre qu'on fait régulièrement, qu'on peut retrouver sur le site de Rebeline et sur la page Facebook de Rebeline, c'est facile à trouver. Le projet, c'est toujours de l'écriture. Et là, je vais revenir à ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire les nouvelles. J'adore écrire des nouvelles à chute, c'est-à-dire la vraie nouvelle, le récit court où je sème de petits indices pour que le lecteur puisse tenter de deviner la fin. Et il y a une chute brutale qui éclaire le sens du récit. C'est ça ce que j'aime. En fait, ce que j'aime le mieux faire, c'est les nouvelles. C'est pour ça que quand j'écris des romans, ils sont courts parce que je suis au fait formaté pour écrire du court, pour écrire de la nouvelle. Donc je suis sur un nouveau projet de recueil de nouvelles. D'accord. Alors dites-nous où on peut trouver votre livre. Alors, livres, voilà, donc, bon, Isaline, le dernier, donc, peut se trouver, donc, à la Taverne du Livre, à Nancy, qui fait en même temps, donc, café, et donc, où l'accueil est extrêmement sympathique, donc, vous serez accueillis par Marie, qui va vous faire à la fois découvrir les livres et pouvoir vous servir un café. Et puis, principalement, sur le site de Rebeline, on peut commander sur le site Rebeline, mais également dans n'importe quelle librairie, mais sur commande, où il n'y a pas de stock, mais suffit de demander le livre et automatiquement c'est livré très très vite. Donc les éditions Rebeline, vous en êtes le président, ça doit être une drôle d'aventure. C'est une belle aventure qui a démarré donc en 2004 avec un ami, Rémi Debord, qui depuis a créé une autre maison d'édition qui s'appelle Neria, et on a déjà publié plusieurs dizaines d'auteurs, plusieurs vingtaines d'ouvrages, je pense qu'on a dû publier une centaine d'ouvrages en tout. Et là, on est axé principalement sur quatre auteurs. Donc moi, Nathalie Rouillère, qui est spécialisée dans le policier et également dans le thriller. Il y a Benoît Gauthier, qui vient de sortir Le Cactus d'Arcadie, et qui lui écrit du roman contemporain avec beaucoup de, un petit peu de fantaisie et beaucoup d'anticipation. Et Jean-Pierre Vincent, donc, qui écrit des romans philosophiques, on va dire. D'accord. Vous choisissez comment vos auteurs? Alors on reçoit beaucoup de choses. Oui. Et on a un comité de lecture. Donc le comité de lecture, il a cette particularité qu'il y a une partie, c'est des gens qui sont dans la maison d'édition, donc des auteurs, mais aussi on a une dizaine de personnes qui sont complètement extérieures, qui sont des libraires, qui sont des simples lecteurs, qui sont des professeurs des écoles. Mmh. Et cela nous donne un avis qui est déconnecté de... C'est consultatif, hein, c'est la décision finale est prise par le président, donc par moi-même. Mmh. Mais je ne vais jamais contre une décision du comité de lecture. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de choses et je suis exigeant sur la qualité. Il faut qu'il y ait des qualités littéraires, qu'on n'ait pas trop de corrections à faire. Mais je donne une prime à l'originalité et à la qualité littéraire. Mais l'originalité, c'est important. Voilà. Mais ça doit être difficile de refuser des ouvrages, en fait. Oui, il y a des ouvrages et il m'est arrivé de refuser des ouvrages dont je ne pouvais pas donner la visibilité nécessaire. C'est-à-dire que je privilégie les auteurs lorrains parce qu'on est principalement diffusé en Lorraine. Et j'ai reçu des fois de la part de gens qui viennent de Paris ou de Lyon des ouvrages qui méritaient vraiment d'être publiés, mais pour des questions pratiques, j'aurais pas pu donner la visibilité à ces ouvrages. Donc il fallait absolument que ces gens-là trouvent des éditeurs soit dans leur région, soit des éditeurs nationaux. Donc c'est ce que j'essaye de faire comprendre aussi. D'accord, l'émission est déjà terminée. Voilà. Merci à Bernard Collat d'être venu nous parler de ses romans, Un arbre de mémoire et Isaline. Au revoir à tous et à bientôt.